Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, c'était l'émission From Jazz to Jazz. Et c'est maintenant l'émission Nuisance. Dans 20 secondes, précisément, vous aurez droit à de la merde. En attendant, vous avez encore de la musique, donc supportez. Voilà, c'est fini pour la musique. En avant pour le bruit. Le bruit donc d'une machine à laver qui décompense. Plus du bruit d'une machine à laver qui décompense, je vais ajouter un rasoir électrique. En fond, un percolateur. Le percolateur. De collation. Bon appétit. Toujours en avance sur son temps, la radio Canal Sud vous propose une émission savante. Sachez-le, c'est du bruit. Nuisance, donc, l'émission de tous les bruits. C'est de tout le bruit. Bruit, bruit, bruit, bruit, bruit, bruit, bruit, bruit. Version matinale électrophénoménale. Stress, toujours le présent stress. Nous allons donc penser au stress. Nous n'allons pas oublier notre stress, mais penser à votre stress. Pensez-y très fort. Et puis, augmentez votre stress en pensant aux choses qui vous stressent. Chose qui vous stresse étant donc vous-même stressé encore et pour toujours dans l'éternité stressé. Je

Je disais donc, c'est trop harsh noise pour pouvoir discuter. De flatulence perpétrée perpétuellement par l'azur, celui au-dessus de nos têtes. Ingroupé dans nos faces. L'enfer toujours comme sur toutes les émissions de merde que vous suivez tous les vendredis de 21h à 23h sur cette même station 92.2 FM ou canaltude.net. Émission de merde qui s'appelle Nuisance, avec tout nous faire foutre. Entre parenthèses, vous, nous, ou... Entre parenthèses, allons tous crever. La chance d'entendre ce passage de la rediffusion dans la rediffusion plutôt de From Jazz to Jazz mardi matin de 9h à 10h, la rediffusion de From Jazz to Jazz. Donc vous aurez un extrait de Nuisance, une fois n'est pas coutume. Ils ont donc trouvé le lecteur mini disque occupé par un mini disque. Le message est passé. À part cela, rien de nouveau sur Terre, que la merde. De merde. Vous savez de quoi je parle ? De l'humanité tout entière qui mérite la merde tout entière. La merde donc de crever dans la merde et de puer du cul toute sa vie comme une merde. J'espère que cette émission est bien compréhensible. Je ne suis pas compréhensif. C'est la merde. De vous qui allez vous faire foutre. Vous me démerdez. Mission Nuisance est une merde qui vous emmerde. Qui emmerde le monde entier. Vous y compris. Moi y compris. Nous y compris. Si vous y comprenez quelque chose, appelez-moi au 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 53 36 95. Si vous n'y comprenez rien, n'appelez pas. Au 05 61 53 36 95 ou le 05 53 36 95. On me l'a déjà faite celle-là. Également écrire des lettres d'injure au canalsud.net. Je me fierai à l'avis de mes potes ou pas potes qui répondent aux messages ou qui ne répondent pas aux messages. Pour vous dire donc que cette émission Nuisance est une merde. Donc si vous voulez écouter de la merde, écoutez Nuisance. Sur le 92.2, incidemment, accidentellement. Mais c'est quand même une sacrée merde. Oui, je veux dire. Pour ça, tout va à chier quoi, comme d'habitude. Et vous, ça va à chier ? À le réchauffer un peu plus toujours. Les Larsen sont comme d'habitude omniprésents dans cette émission à chier. Allons tous nous faire enculer. J'irai à ta place me faire enculer par la main. Un lama en Gore-Tex, genre Quechua, et tout, avec un secret en plus, celui de la capote, un secret occidental pour ne pas se retrouver avec du foutre dans le cul, une capote en latex. Ou si vous êtes allergique au latex, prenez un caoutchouc, tout ce qu'il n'y a pas de latexeux, Je sais, c'est horrible ce qui vous arrive, mais... Mais... Toi, ça, dans le derche... Enculé. Bâtard, connard. Va te faire brouter. Va te faire brouter. T'es con. Mon émission est vraiment merdique. J'ai des retours enfin sur mon émission. C'est important les retours à la radio parce qu'on se retrouve si seulement on était tout seul sur Terre. Je veux dire, on se retrouve tellement seul sur Terre quand on fait de la radio que les retours c'est important. Mon émission c'est vraiment de la merde, tu dis? Ouais, c'est carrément merdique, il dit. Merci. Tu dis qu'il n'y a pas plus merdique? C'est ça, hein. Donc, c'est pas mal merdique quand même. Merci. Disons que pour chez nous, nuisance est là. Chez Dur aussi d'ailleurs. Pour en chier, nuisance est là aussi. D'ailleurs, pour tout ce qui concerne chier, nuisance est là. Nuisance, ça fait chier. Et ça, au moins, c'est sûr. Il noterait un travail sur les aigus. Et un travail sur les graves. Ouh! Pénible, c'est l'Arsen. C'est l'Arsen, c'est vraiment pénible. So fucked up anyway. He gives a fuck anyway. Fuck it. You'll soon be the most fucked up individuals in this stupid planet. Enjoy. Stupid fucks. There, you're dead again. Stupid. Dumbass. Motherfuckers. Dead. Did you get that? You're dead. Did you get that? You're dead. Dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, stupid motherfuckers. Die. Hope you die in hell. Suffering pain, anger, anguish, languid, satisfaction, unsatisfied, stupid motherfuckers. I certainly do hope so. If only you'd be dead. If only you'd be dead. Quelque chose qui se passe là, qui se trame, comme un écho. Un écho dans la tête. Il y a un écho dans la tête qui résonne, qui résonne. Qui résonne comme la merde que tu es, sale bâtard. T'entends? Auditrice, auditeur, t'es qu'une merde. T'entends? T'entends ce que je te dis? Tu vas crever. Tu vas crever comme une merde. Comporte-toi bien. Sois gentil avec le Papa Noël. Il t'encule, le Papa Noël, avec un godemiché en or plaqué. Plaqué bite. Plaqué plomb. Plaqué amiante. Comme ça, ton god plaqué amiante, il cramera pas quand tu t'en prendras plein le cul. Comme ça, ton god plaqué or, il sentira bon l'or. Il aura une belle gueule d'or, pleine de merde, mais pleine d'or quand même. L'or. Pourquoi ton god miché, il est plaqué banane? Parce que c'est mou la banane et ça a bon goût. Comme ça, on peut te lécher le cul et ça sent bon. Ça sent la banane. Comme ça, quand on passe un CD de toi en train de crier « Ah, la banane !» Eh ben c'est vrai, pour une fois. C'est pas un mensonge, ta vie. Ta vie, c'est pas un mensonge. Ta vie, c'est la réalité. La réalité de ta vie, c'est la merde. Tu vas mourir comme une merde, et tu n'es qu'une merde, et donc tu vas mourir comme tu n'ailles. Été que ce que tu as été toute ta vie, c'est-à-dire que tu vas mourir comme une merde. Car tu n'as été qu'une merde toute ta vie, et la merde, ça te ressemble? Non? La vérité au moins une fois dans ta vie. Ô humanité, vile et stupide et basse et enculée d'humanité de merde, crame, crame dans ta merde. Prends la bouse de yak et fous le feu dans la bouche et enfonce-toi un godemiché en essence et fous le feu avec une étincelle d'ossature. Ossature tergiversée par l'étincelle dans le briquet qui crame le cul et le trou de balle est plein de poils et ça pue le chien cramé. T'entends? Et à chaque fois que tu pues le chien cramé, et ben tu te dis putain, j'aurais pas dû faire ça. À chaque fois. Et ça l'arsène dans tes tripes. Et tu sais que tu vas crever. Et tu sais que tu vas crever comme un chien galeux, une hyène, en riant, noir. Et pendant ce temps-là, tu vas crever en douleur, en douceur, comme une merde, enculé. Va te faire sodomiser, les pieds. Sodomise-toi les pieds, sale enculé, sale bâtard. Sale gigolo. You're a fucking gigolo, you man. Stupid man, you gigolo. You fucked up. You fucked. You suck dick, you fuck. You fuck dick, you suck. You suck shit. You lick shit. You eat shit. You fuck shit. You eat shit. You lick shit. You like it. Shit. You wanna know what kind of shit you are? You're the worst kind of shit there is. Tu es la pire des merdes. Tu es l'humaine merde. La merde humaine. La merde comme toi et moi. La merde qui pue. La merde qui tue. La merde qui s'enroule la voix. La merde qui va crever dans la merde. Dans la fange humaine. Dans la fange des sens. Les sens comme perceptifs. Comme perception de la réalité. Tu vas crever dans tes sens. Prends plaisir à tes sens. Enculé. Va te faire sodomiser. Bâtard. Va te faire brûler l'anus. Par une bite. En forme de trou de balle. Un trou de balle. Tout emmitouflé dans un cafard. Emmitouflé dans un cafard vert. Vert parce que pourri, parce que les œufs du cafard ils ont pourri, et les cafards sont sortis pourris, c'est des zombies cafards, des cafards zombies, des pantouflards. C'est toi le pantouflard. Tu es le pantouflard cramoisi de ma réalité. Pourri. Et tu te chies dessus. En pensant que tu es quelque chose. Tuer quelque chose? Pourquoi ne pas te tuer toi? Tu es quelque chose. Tu es quelque chose. Alors tue-toi. Et avant de te tuer toi, sacrifie-toi pour la cause. Branle-toi de combat. Branle-toi le combat. Bien bas. Oh bien bas. Branle-toi combat bien bas. Branle-toi le combat bien bas. Branleurs, des branleuses. Je vous chie à la gueule. À la mienne aussi d'ailleurs. Je suis qu'une merde. Et toi, tu n'es qu'une merde aussi. Et tu vas finir par le croire, car tu mérites de croire la vérité. La vérité qui réside en toi. La juste et bonne vérité. La vérité unique. Celle qui nique, nique, nique. Tout. Ce que t'as eu. Compris ? T'as eu, elle a été niquée par la vérité, tout. Elle, tout, ce que t'as eu, toi. Là, il, toi, là, bas. T'es bien barré, t'as tout. Niqué. Alors remplis tes fiches d'impôts, paye, et va chier. Paye tes impôts, paye ta taxe d'habitation, et va chier. Ta gueule. Ferme ta gueule, connard. Paye. Connard, ta gueule. Ferme ta gueule, connard, et paye. Va chier. Rentre dans tes pantoufles et ferme ta gueule, connard, va chier. Compris, connard, va chier. Tu fermes ta gueule. Tu mets dans tes pantoufles tes pieds. Et tu fermes ta gueule et tu regardes ta télé de merde. Compris, connard. De merde, crève. Et quand tu seras heureux de mourir... Bah tu seras déjà mort. Pauvre con. Casse-toi. Vive la France, Sieg Heil. Vive la France des faf. Vive la France des fachos. Vive la France des enculés de bâtards, de racistes, de merde. Et je pense à eux, à chaque fois que je me couche. Et je me dis j'en suis un, j'en suis un, j'en suis un. Un humain de merde qui pue et qui mérite la mort. Et qui va crever dans sa merde de fange perceptive de la réalité de merde. Va chier. Et à chaque fois la merde. C'est à chaque fois la merde dans ta vie, car tu es un être humain. Un être humain, sa vie, la merde. Un être humain, c'est la merde. Un être humain, c'est la merde qui lui arrive. Un être humain, ça te saoule. Ça c'est tout un être humain. Un être humain, ça c'est tout ce qui lui arrive. Ça arrive la merde, ça pue la merde, ça sent la merde, c'est la merde, c'est tout. C'est tout sauf la merde d'un être humain. Si, c'est la merde aussi. Si, aussi, si seulement c'était la merde aussi. Si, aussi, si seulement, j'étais pas humain, putain. Si seulement j'étais un chien. Ou une chienne, ou une hyène. Je n'aurais rien à foutre des humains. Mais heureusement que je suis un être humain, une forme de vie évoluée, intelligente, douée, de capacités supérieures à toutes les êtres vivantes. sur cette terre de merde. Non, c'est vrai, ce n'est pas la terre qui est de merde, c'est l'humanité. Cette forme de vie évoluée, supérieure à toutes les autres, par sa connerie. Supérieure à toutes les autres par sa connerie, cette espèce humaine de merde, qui pue des pieds et du cul. Parce que cul, ça rime avec pu, et le pu, ça coule des plaies. Et plaies, ça rime avec pied, et va te faire enculer. Espèce de trou du fion. Et fion, ça rime avec con. Alors casse-toi, pauvre con. T'as compris? Et ta gueule. Ferme ta gueule. Fermez tous vos gueules, bande de bâtards. Vous méritez la mort, vous allez tous crever, vous êtes des merdes, vous êtes à chier. Alors purulez. Oui, la vérité est belle à dire. Et vous avez toujours l'option de vous casser la gueule dans vos marches d'escalier en vous pétant la tête contre la rambarde et saigner partout du pu et puer du cul. Toujours, cette option est là. Donc n'oubliez pas, vous avez l'option de crever. Alors ne crevez pas l'abcès, mourrez bien en tranquillité, espèce de pantouflard de merde, allez tous chier. J'ai dit pantouflard, je voulais dire pantouflarde, zé pantouflard. N'oublions pas la galanterie. Bande d'enculés. Ceci n'est pas une émission comme les autres, on m'a dit c'était un ovni, alors ovnisons l'humanité. L'humanité était un ovni parce que l'humanité elle pue du cul, voilà, c'est un ovni, ça pue du cul, et voilà, un ovni ça pue du cul et l'humanité aussi, donc c'est un ovni de l'humanité parce que ça pue du cul l'ovni et l'humanité aussi. Alors allons tous chier en douceur et en beauté. Nous allons tous chier sur la gueule des autres êtres humains parce que nous sommes riches, nous sommes des occidentaux et nous sommes riches et nous chions sur les africains et sur les tiers-monde parce que nous sommes beaux. Nous sommes tout beaux avec nos crèmes Nivea et nos fards fond de teint et nos maquillages tergiversants, déblatérations de la vérité puante, de la merde occidentalisée dans les chiottes, les trous de balles fond ton cul, enculé. Chieurs et chieuses, fermez vos gueules. Et c'est enfin la fin de la Terre entière. Elle va exploser sous vos yeux, oui, ha ha ha. Bien fait pour sa gueule, à l'humanité tout entière. La Terre, c'est dommage pour elle. Et c'est toujours la merde. La grosse merde. Alors chiez-vous dessus, bande de merde. Vous êtes mes frères et sœurs et je vous encule. Enculé. Zé enculeur. Zé enculeuse aussi. Mourez. Mourez. Mourez vous tous. Je vous suicide. Je vous suicide ce soir. Les enculés partent les premiers. Les pieds les premiers. Et pendant que je zappe sur le CD et que le bruit se fait unanime, allons tous le faire enculer, c'est toujours le bonheur sous les pieds. Et pendant que je passe une boucle sempiternelle sur vos faces de rat de merde, je sème le doute dans mon ton, car je doute moi-même de mon ton, hautain, vulgaire, arrogance même, que l'être T suprême de la réalité réelle, être réel, laissez-moi rire, réellement con, oui, réellement bon, allez vous faire foutre. L'humanité est bonne, bonne comme un pied pourri, bonne comme un cadavre purulent dans les morgues, pustule, oh pustule que cette plaie humanité. Alors va chier. Va chier humanité. Va chier, ferme ta gueule. Sale merde. Biofeedback, your ass, you stupid motherfuckers. I wanna kill you all. I wanna kill you. Kill you with my words, you stupid fucks. Hear this word and die. Die. Dye your hair green. I don't give a fuck. Just dye it. Dye your wanting. Dye your being. Dye your puking. Dye your hair. Dye your hair green for I care. Stupid fucks. I hate it all. Hate it all. I just hate it all. I wish I were dead. I wish I were dead, you stupid fucks. Humanity sucks. You suck. Everybody sucks. We suck. We suck big dick. Fuckers. Fuckers. Fuck her, no way. Fuck you. Fuck you. Je me fuck. Je m'auto-fuck. Tu t'auto-fuck aussi. Passer le plat, je me dis tu es déjà mort. Fuck it. Fuck it. La bière. La bière. Ce qu'on veut, c'est de la bière. On veut de la bière dans les boyaux. On veut de la bière dans les tripes pour pouvoir vomir de la bière puante. Puante comme les tripes humaines. Bah, les tripes de porc, ça se bouffe, les tripes de porc. Les tripes humaines, ça se bouffe pas, c'est interdit. C'est trop dégueulasse, les tripes humaines. C'est ce qu'on bouffe. On bouffe de la bière. Bande de nasses qu'on est. Quelle bande d'enculés, quoi. Les enculeurs de mouches. N'oublions pas les enculeurs de mouches. Vous êtes des enculeuses de mouches. Oh, vanité, tout n'est que vanité. Prout. Tout n'est que vanité, prout. Torpeur. Excédence. Irritance, situation, constat élémentaire de l'état. c'est à chier. Alors, allez chier. Allez chier. Bande de losers. Losers humains. Vous seriez des hyènes ou des chiennes encore. Ça irait d'être des losers. Vous êtes des losers de merde. Humains. Humains. Humains. L'insulte suprême. Oh humanité, que tu pues. Que tu purulente. Humain. La douce, heureuse situation. Soit vous êtes des gagnants, soit vous êtes des perdants. Compris ? Perdant ! Vous avez déjà tout perdu. C'est ça, bois de la bière. Ce soit être le roi de la terre. Pour toi, la gueule. C'est ça, être le roi de la terre. Avec des chiffres. Boire de la bière. Avec des chiffres. Tant que c'est pas des chips. Avec des chiffres. Ouille. Aïe, aïe. Aïe-moi le beurre. Ces chiffres qui ne sont pas justes. Espèce de beurré. Beurré le moule. Bourre-toi le moule, connard. Ces chiffres qui te rassurent. Espèce de bourré, va. Complète-toi. Danse la Java. En tango hollandais. Trinque avec moi. Sale argentin. La valse, la valse. Raciste. Oui. Complètement facho ou français. Enculé. Ça revient à la même chose. Les Français sont des fafs. Jugement. Jugez-vous vous-même. La peur. La demeure. La peur de faire quelqu'un. La peur de bouffer la merde qu'on bouffe. Constipé. La merde qu'on bouffe. La merde qu'on bouffe. Constipé. La merde. Constipé. Alors tu manges de la merde toute dure. Tu l'avales, connard. Enculé. Tu la mâches. Avant. T'es vraiment qu'un bâtard, hein. Putain. Tu bouffes la merde. Va chier. Va chier. Tes crottes te dérangent. Bouffe plutôt tes crottes de nez. Ils le font mais se cachent. Ils le font mais se cachent. Bouffez votre merde. Qu'est-ce que vous êtes, anthropophage? Il l'essaye. Bouffer la merde, anthropophage. Hein? Vous devriez essayer. Bouffer la merde, anthropophage. Avec un S à la fin, anthropophage. Vous êtes tous des anthropophages. Bande de nazes. Vous devriez compter. Avec un S à la fin de nazes, vous êtes tous des nazes. Le nombre de fois où vous le faisiez. Bande de merde, avec un S à la fin de merde. Où vous le faisiez. Vous êtes tous des merdes. Où vous le faisiez. Mais va chier. Va chier. Ça vous dérange, les mots. Va chier. Et c'est à ce moment précis que je lui dis va te faire foutre, enculé, quoi, mais bâtard, mais ta gueule. Va chier. Va chier la porte ouverte en regardant le ciel. Ta gueule, j'ai pensé qu'il plaisantait, tu vois. Et c'est là qu'il m'a pris mon nom. Ferme ta gueule. T'es en deux, t'es putain, j'ai rien compris. Mais putain. Mais appelez, appelez. Appelez au 05 61 53 36 95. Pour lui dire de fermer sa gueule. Qui c'est qui a acheté un briquet violemment par terre? C'est toi, connard? Toi là-bas, auditeur, auditrice, hein, connarde. T'as jeté un briquet par terre. Je t'ai vu. Tu l'as jeté violemment par terre. Hein? Tu le sais, toi. Toi, tu le sais. Mais moi, hein? Est-ce qu'on me tait, moi? Hein? Est-ce qu'on me tait? C'est non. L'époque. Alors plutôt que de boire de la bière et de jeter des pétards du 14 juillet dans la rue, eh bien, tu sais quoi en faire? C'est fini. Prends la bière et fous-la toi dans le cul et prends les pétards et bois-les. Ça coupe. Et cette lumière? Lumière divine, s'il en est une. Dieu donne-t-il la parole? Dieu a-t-il donné? Ah, Dieu donné. Bâtard. Donne donc à Dieu et Dieu te le rendra. Ouais, donne ton fric, connard. Donne ton fric à Dieu, tu sais. Adieu ton fric. Précis que le mec a gerbé son micro, quoi. Je lui ai dit putain mec, fais gaffe. Ça fait une tâche. Ça fond la bonnette. Personne ne sait ce que c'est une bonnette, hein, à part les gens qui font de la radio, hein, ou qui ont des micros à la maison avec des bonnettes. Changer la bonnette. Comme les capotes. Personne ne sait ce que c'est une capote avant d'en avoir mis une sur la bite, quoi. Et d'avoir sucé la bite pleine de latex, ça fait pu. C'est comme être une capote à la parole. Comme le caca, personne ne sait ce que c'est le caca avant d'avoir chié, t'sais. Alors je mange le micro. Oui, mange le caca. Du micro. C'est toi le caca du micro. C'est nous le caca du micro. C'est vous le caca du micro. C'est eux. Alors comme je disais tout à l'heure, fuck you all. Did you get me there? Fuck you all, you stupid motherfuckers. On arrête maintenant. Non mais vraiment, quel discours de merde. Quel discursif de chiottes. Mais comment pouvons-nous juger ce discours qui détient en lui autant de violence et d'émancipation? Comment accepter ce moment de vulgarité? Comment écouter sa radio en se disant qu'on s'est trompé de fréquence? En pensant à nos parents qui disaient « lèche-moi la bite, salope ». Et finalement, ce n'est pas un Larsen, ce n'est pas une radio mal réglée? Oh oui, je te lècherai la bite. Oh, mon chéri. Mais pourquoi continue? Oh, continue de me lècher la bite, salope. Oui, mon chéri. Continue, t'es nu. T'es nu et t'es con. Alors continue. Continue d'être nu. Lâche-moi le cul. Tout nu. Tout nu ou tu peux garder ton t-shirt si tu veux? Non, je préfère juste avec un trou de balle. Ça ira. Je te ferai un piercing sur le téton. Ça t'habillera. Si vous n'avez pas compris, il est 22h04, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est l'émission de Nuisance, donc allez tous vous faire enculer. Voilà, on peut dire, tu peux aller te faire enculer. On peut dire beaucoup de choses. Sodomiser, va te faire foutre, bâtard. Les enfants sont couchés. Mourir. S'il y avait des enfants de tout à l'heure, j'espère qu'ils étaient pas là, parce que franchement, je les ai trucidés leur tête, les pauvres petits. Et petites. Alors, aux parents, sucez-moi la bite et le cul. Lâchez-moi le cul. Plein de merde. Je vous aime. Tant. Et ne laissez pas vos enfants aller dans les classes d'adaptation pour être soumis à la norme. Normalisez vos enfants vous-même. Donnez-leur la violence nécessaire. Pour être assez intelligent, pour être normaux. Normaux. Normaux comme des gros cons. C'est sage. sage, d'être normal. Plus sage d'être normal que d'être intelligent, en tout cas. Ça marche, Annelise. Contestation. Contestation. Mais c'est quoi cette merde, quoi? Putain, mais c'est quoi ce son pourri, quoi? Contestation. Alors je lui disais tout à l'heure, mais putain, mais ta gueule, mec. Et il m'a pas écouté. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, va faire foutre, gros connard. Alors moi, je lui ai dit, mais suce-moi la bite. Et lui, il m'a foutu un nion dans la gueule, tu sais. Alors du coup, j'ai un gros pavasse dans le machin, tu sais, et j'ai du sang qui coule. Alors je le prends, je l'encule, tu sais. Et à ce moment-là, il me dit, oh oui, tu sais. Alors j'éjacule dans son cul, et à ce moment-là, je me retrouve que j'ai pas de capote. J'ai le sida, peut-être. Oh merde, ça fait chier. Alors je l'éjacule une deuxième fois dans la bite, et à ce moment-là, je lui lèche le cul. Et c'est à ce moment-là que le doigt a ripé, tu sais. Et je lui ai foutu dans le nez, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, mais putain, t'es, tu me prends pour une salope ou quoi, t'sais. Oh oui. Rodéo d'enfer. Tu sais quoi, j'ai le sida. Putain, j'ai la syphilis, quoi, bordel. Tu te débats. Complètement taré. Comme un animal. Mais ferme ta gueule. Oh oui. Écoute. Ce bruit, c'était ta mère. Ça te dérange, hein? Et pourquoi? Pourquoi ça te dérange? Elle ne faisait que frotter son pied contre la moquette. Bon, d'accord. Il n'y avait pas que le pied. Mais par contre, je l'enculais pas. C'est elle! C'est toi. Tu te tais. Et la lumière, toujours la lumière. Mais que faire? Alors l'autre jour j'écoutais France Musique et il y avait de la musique à peu près comme ça, tu sais, sauf que c'était des violons qui le jouaient, quoi, mais c'est à peu près la même chose, quoi. Sauf que c'est des violons qui le jouent, mais sinon c'est la même chose, tu vois, sauf que c'est des violons qui le jouent sur France Musique, mais ici c'est la même chose, sauf que c'est des violons qui le jouent sur France Musique. France Musique, c'est pas ici, quoi. Ici c'est Canal Sud. C'est un petit peu comme, tu vois, prendre des petits cailloux qui sont dispersés dans un jardin et en faire un peu une construction. Une construction mentale dans le cul, quoi. C'est important de mettre dans le cul à la fin avant le point final. J'aime. Dans le cul. Comme quand je donne un conseil, genre bourre-toi l'anus avec du verre pilé. C'est toujours important de rajouter dans le cul à la fin. Quand je me conseille de me donner un god et de m'offrir du verre pilé avec le god dans le cul, et bien c'est important de mettre dans le cul à la fin, sinon on comprend rien. Tu comprends? Dans le cul. Et donc revenons-en à sa mère, à ce connard. Ouais. Bah on lui bourre l'anus. Il attend la fin. On sait bien que c'était pas l'anus. On a les indices. C'est pas possible. Écoute ce cri. Écoute le cri de ta mère. Ça ne te dérange pas ? Ça te dérange ? Ah, ça te dérange ? Difficile d'imaginer. Je ne comprends absolument rien à l'anus. Est-ce que quelqu'un peut-il m'expliquer ce que anus vient faire dans cette phrase ? Vous pouvez toujours ne pas appeler au 05 61 53 36 95, j'espère que vous n'avez pas noté le numéro. De toute façon, ça va trop vite. Heureusement. Qu'est-ce qu'on serait si on comprenait quelque chose, nous les humains, hein ? Ça va trop vite. Tout va trop vite. On serait pas humains. On serait des putains de dieux, bordel. On n'est pas des dieux, que je sache. Alors va chier. Des dieux tirés par des tortues ? Humains. Des petites tortues. On aille tous chier. Sur des tortues. Chier sur la merde. C'est hasardeux. La merde qu'on est. On est une merde. On est une merde, on vit une merde, on meurt une merde. En tout cas, il y a quelque chose à voir avec le caca. Caca dans le cul. Qui doit sortir, forcément. C'est inévitable. Ça pousse. On ouvre la porte, on regarde le ciel. On ferme la porte, on est tout seul. On ouvre la porte, on regarde le ciel. Puis après, on prend un magazine. Alors on lit de la merde. Et là, on se dit, j'ai envie de chier. Ça vient enfin. La merde coule à flot. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, putain, la vie est belle, à chier. Et puis demain, je prends pas un magazine, je prends un livre. C'est de la littérature. Ça donne envie de chier aussi. C'est là qu'on se dit, on est vraiment une merde. Ça sert à rien. Tout nous fait chier. J'ai faim. J'ai faim de toi, chérie. Oh oui, salope. Manger ta merde. Je vais te manger la merde, salope. Oh oui, chérie. Vive le patriarcat français. Le patriarcat français, c'est comme le matriarcat je ne sais quoi, sauf que c'est du patriarcat et ça rime pas avec caca. Parce qu'il y a un T à la fin. Alors regardez le ciel en chiant pendant que tu me suces. Salope. Suce-moi pendant que je chie. Dans le cul. Ça, c'est la faute à Gilbert. N'accusons personne. Si, c'est sa faute à lui. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Suce-moi pendant que je chie. Mais dites-moi, tout ce discours un peu tergiversationnel pourrait nous amener à une question existentielle, celle de est-ce que l'on est vraiment de la merde, je veux dire les humains quoi. La question est là. Alors la réponse oui et la réponse non sont donc discutables. Moi je dis allez vous faire enculer quoi. C'est la première chose à dire quand on voit l'état de la race sale consanguine humaine de merde qui pue. Donc si vous êtes croyant, appelez au 05 61 53 36 95 et sinon n'appelez pas. Si vous êtes non-croyant, appelez au 05 61 36 95 si on n'appelait pas. Et si vous êtes comme nous, ce n'est pas possible. Vous êtes que des merdes. Nous sommes les meilleurs humains sur Terre. Nous avons le droit d'expression libre sur une antenne libre. Allez vous faire enculer. Et toi qui crois tout avoir compris ? Oui, moi ? Non, pas toi. Ah si, moi. Bien sûr que non. Oh oui, j'ai tout compris. Non, tu n'y crois pas. Je comprends tout à la merde. Je suis une merde. Il faut devenir une merde pour comprendre la merde. Je suis la pire des merdes. Nous ne venons pas de la poule. La merde. La poule urine, défèque et pond. Par le même orifice. Des gros cons. Bon, revenons-en à sa mère. Sa mère, poule, qui chie, qui pisse. Oui, je savais, je savais qu'il allait dire pisser. Vous avez vu, on a dit qu'il pisse en même temps. Ça veut dire que c'est un signe évident qu'on pisse aussi. Le pouvoir d'anticipation. Le pouvoir d'anticipation, c'est quelque chose qui peut venir d'une maîtrise, en fait, de la paranoïa. Vous pouvez arriver à... Alors, en étant paranoïaque, à maîtriser cette paranoïa pour arriver à en faire un pouvoir d'anticipation pour déceler chez l'adversaire. Sa stratégie, quoi. C'est bon. Ouais. C'est bon, hein. Hein que c'est bon. Ouais. Et c'est pour ça que je t'encule. Oh, vas-y, encule-moi. C'est parce que je décèle ton anticipation. Ta pauvre anticipation. Celle qui fait que tu te crois intelligent, celle qui fait que tu me fais chier toute la journée. Oh oui, oh oui. Celle qui fait que j'ai même plus envie de me battre contre toi. Vas-y, encule-moi. Non mais c'est pas vrai. Je vais te défoncer. Moi je m'en fous, encule-moi. C'est vrai. Oh putain, c'est bon. Oui mais elle aime pas ça. Je n'ai rien à foutre. Le foutre c'est bon, ça, le foutre partout. Alors elle a qu'à le boire. Nager dans le foutre. Contre les dents. Foutre dieu pourri qui pue. Collé aux gencives. Le poisson pourri. Entre les lèvres et la langue. Les crevettes pourries. Les crevettes pourries. Suce-moi la crevette. Suce-moi la bite pourrie. Pétasse. Salope. Connard. Salaud. Enculé. Pétard. Allez, ferme ta gueule. Tais-toi, écoute. C'est fait. Entends. Alors je vais chier ou pas? Je vais pisser plutôt. Je vais donc vous expliquer les raisons de ma venue sur Terre, celle de vous faire chier au plus haut point. Je suis mal poli à n'en plus pouvoir car vous êtes de la merde et que je n'en ai rien à foutre de vous. Vous avez donc compris que le respect n'est pas de cette émission. Nuisance ne respecte pas l'humanité car l'humanité c'est de la merde, selon Nuisance. Nuisance étant donc une émission d'un gros con qui pue et qui vous encule donc à sec. Également, nous avons remarqué le temps un peu flottant en ce moment. Passons du coq à l'âne, vous êtes vraiment des putes. Des putes dans le sens péjoratif du terme, bien que je n'ai aucunement quelque chose contre les prostitutions, quelles qu'elles soient. Le travail étant un esclavage moderne, y compris le travail, l'esclavage moderne, donc la prostitution, je n'ai rien contre. Mais je vous dis quand même que vous êtes des enculés, quoi. Donc allez vous faire enculer, bande de bâtards. Méritez donc la mort. Et donc quand vous aurez compris cela, vous mourrez et vous serez enfin triste de renaître dans une vie de merde. Vous êtes de ceux et de celles qui puaient. Alors puez en paix, car Prout, vous êtes vraiment de la merde. Et je vous encule à sec. Ensuite, il fut un temps où les gens ne se parlaient pas sur ces tons. Mais c'est un temps révolu, le respect étant un truc d'ancien. Les anciens sont morts aujourd'hui, ou dans des maisons d'entraide en train de bouffer la merde par la racine. Donc j'espère qu'ils vont crever en paix, ces putains d'enculés, quoi. Comme mes parents et les parents du président de la République. Et j'espère que le président de la République, comme moi, va mourir comme une merde, en paix, Prout. Et donc qu'il aille se faire enculer, quoi. Moi aussi, je parlais de moi, donc que j'aille me faire enculer, et je suis un gros bâtard, et que le président de la République, qui a tout le respect, eh bien qu'il le garde, son respect, et je m'encule à sec avec du gravier, voilà. Alors, j'ai badigeonné l'anus de ta maman avec un petit peu de superglue. Le temps que ça durcisse, en fait. Mais ma mère, elle t'encule. Mais non, pas la tienne, la sienne, tu sais. Ah, la sienne, mais non, pas lui. Non, lui, c'est ma mère, alors. C'est bien ma mère à qui on a badigeonné le trou de balle avec de la superglue. Et ensuite, on a mis un godemiché géant, genre pour lui déléter un anus, pour la faire souffrir. Donc, ma mère est quelqu'un qui souffre beaucoup de mes insultes permanentes. En réaction de la situation présente de la tergiversation donc humaine. On s'en fout, parlons de Francine. Voilà, c'est ça. Tu ne le savais pas. Et ça tombe sur toi. Thank you. Toujours des gémissements violents, mais des gémissements. Et la mort. Qui pue. Tu ne l'avoueras pas, mais tu bandes. Je bande à en baiser la mort. Tu bandes, toi. Fils de Francine, de Georgette, de Lucie. Fils de Français de merde. France, oh quel pays de chiottes. Oh non, la gloire, la patrie, la nation, va te faire foutre. D'ailleurs, tous les enculés qui votent, ils se font enculer, quoi. Enculeur de mouche. Mais pourquoi tu fermes ta gueule ? Donc tu peux toujours nous appeler. Oh. Au 05 61 53 36 95. C'est elle qui appelle. Reste-t-il du temps pour parler de son père ? Beaucoup plus violent, son père. N'oublions pas la colère. N'oublions pas la violence. Ah, ça fait mal, hein. Vive la violence. Ferme ta gueule. La violence anale. Ah. Merde. Je pue de la gueule. J'ai bouffé du saucisson, ça pue. Le porc, ça pue. Le porc, ça pue. Ça sent dans mon micro. Le porc, ça pue. Donc je disais tout à l'heure, allons tous nous faire enculer par une bande de bâtards avec des grosses bites. À ce moment-là, c'est à ce moment-là précis qu'il m'a dit, mais putain, c'est moi qui ai une grosse bite, laisse-moi t'enculer, enculé. Et j'ai dit, oh non, tu n'es qu'un bâtard, je parlais d'une grosse bite poilue. Et toi, tu n'es pas poilu, tu es un sale métèque. Mais moi, je suis un sale métèque peut-être, mais je suis poilu. Regarde, j'ai plein de poils dans le cul. Et je lui ai dit, mais putain, c'est trop bon. Alors, je veux dire. Et donc comme je disais, donc à ce moment-là précis qui m'a dit va te faire foutre enculé quoi. Mais pourtant j'ai pas raconté de blague, je lui dis mais vas-y, va te servir un café. Alors je lui ai dit ouais peut-être, mais pourtant si tu dis un café tu veux peut-être dire un thé. Et lui il me dit mais ta gueule. Et moi je dis mais non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et lui il m'a dit mais pourtant t'as une sale gueule. Et donc je lui dis oui c'est vrai. Alors elle m'a dit si t'as pas d'argent, tu manges pas. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit mais c'est une pute quoi. Et en fait le mec, c'est un mec qui me dit non je suis pas une putain, je suis juste quelqu'un qui veut faire un peu de maille. Donc je lui dis bon d'accord. C'est comme ça, c'est le fonctionnement. C'est la cantine. En parlant de cantine, ça me fait penser à Titine et ça me fait penser à Grosse Pine. Petite pine aussi, ça me fait penser à voiture. Ça c'est pour ta mère, à toi qui s'appelle Christine. Hein ? Tu dis rien depuis tout à l'heure, hein ? Tu te sens épargné. C'est facile. Comme Christine. Et pourtant tous ces enculés quoi, comme Jacques a dit, ou va te faire foutre la Borgia, tu sais. Et ben pourtant, les enculés, quoi. Je veux dire, est-ce qu'ils se sont dit gros bâtard un jour? Non. Ah, ça, non. Qu'est-ce qu'elle dit, Françoise? Donc, comme je disais, c'est à ce moment précis que le mec, il me dit, mais va te faire foutre, enculé. Et je lui dis, mais d'accord. Ouais. Mais elle dit rien parce qu'elle mange. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Dis-nous. Qu'est-ce qu'elle mange? Dis-nous. Qu'est-ce qu'elle mange? Dis-nous. Qu'est-ce qu'elle mange? Bon, passons à quelque chose de plus probable. Qu'est-ce qu'elle mange? Alors, ce soir, elle a décidé de manger des sushis. Elle s'est faite beaucoup de soucis. C'est bon pour la ligne. C'est bon pour plaire. C'est bon pour toujours être désirable. Pour pouvoir être disponible. Alors, elle s'est dit. Ouais, et donc voilà. Alors? Voilà. Alors, elle s'est dit. Bah, tu vois, de toute façon. Alors, le mec me dit. C'est comme ça que ça se passe. Alors, merde. Tu vois, quoi? C'est franchement. Avec tout de toute façon, on va mimer le feu. Tu veux dire? Et le mec il me dit mais ta gueule. Mais ça va pas la tête. Mais c'est pas possible de parler comme ça. On peut pas avoir autant de. Et donc à ce moment là le bagage il l'a pris dans le bras. Et dans le bras il avait un gage d'honnêteté. C'était le code du silence. Le code du silence c'est la gage d'honnêteté. Le gage d'honnêteté c'est le code du silence. Si quelqu'un est honnête, il est silencieux. Alors ça devient injuste. Parce que si tu fermes ta gueule, alors que j'insulte ta mère, et que tu n'appelles pas au... Secours. Écoute le bruit de la brisure. Que faire? Eh bien, justement, à ce moment-là, le mec, il me dit, il va te faire foutre. Mais moi, je lui dis, enculé. Mais t'as un problème, ouais, encule-moi. La brisure anale, c'est encule-moi. Possible, parce que de toute façon. Alors à ce moment-là, c'est déjà le mec qui me dit non. Avec les super glues, ça fait des fissures. Mais moi je lui dis, mais vas-y. Pète tout ça. Mais vas-y, alors, encule-moi. Ça fait trop mal. Je suis un enculé, mais vas-y, encule-moi. Mais elle aime ça. Et c'est à ce moment-là qu'il sort sa bite. Donc je lui dis, ta bite elle est trop grosse pour moi. Ta bite elle est trop grosse, elle me fera mal. Mais après il y a la fonction. Donc je lui dis, le sang ça coule le long des jambes. Et il y a la personne. Et j'ai pas envie de me retrouver en string avec du sang qui coule le long des jambes. Puis il y a la personne. Et la personne, si elle ne colle pas la fonction, alors. On ne peut pas avoir de discours qui soit objectif, même lorsque l'on se confronte à des personnes qui sont censées avoir une fonction plutôt importante. Tu vois, je lui dis putain, mais moi une bouteille dans le cul plutôt. Et il me dit non, je préfère mettre ma grosse bite. Alors moi, je lui mais dis, elle non, a dit de toute non, façon. Il n'y a pas moyen. Mais comment ça se fait que tu ne t'es pas défendu? Tu aurais dû leur taper sur la gueule. Je me suis levé de la table parce qu'en fait j'étais sur la table. Et puis elle a dit. Voilà. Et donc à ce moment-là, tu vois, tu m'entends. Si t'as pas d'argent, tu manges pas. Tu m'entends? Je comprends. Et toi, tu comprends? C'est en buvant la gorgée de bière que je viens de me dire, en fait. Mais forcément, le mec, il m'a dit enculé, mais j'aurais dû le savoir déjà. Au départ, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû savoir que j'étais un enculé. Je veux dire, j'en suis né un ou pas? T'aurais dû lui mettre le feu tout de suite, comme ça, là. Ça sert à rien discuter, de toute façon. On n'est pas d'accord. C'est d'ici comme ça. Est-ce que je peux sortir? Non, bien sûr que non. C'est dans la gueule de clébard, là. Une clébard de merde. Une pute, c'est une pute du cul, c'est clébard, merde. Il y en a partout, ça chie. Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi ce bordel de merde, là? On peut pas parler. On peut rien comprendre dans cet enfer. On comprend rien dans cet enfer, c'est l'enfer déjà. C'est ça le truc. C'est sale le truc. Tu vas faire quoi? De toute façon, je vais te battre. J'ai déjà gagné. Alors bien sûr, j'y ai pensé. Éclater ta petite tête avec la chaise de ton bureau. Te balancer le clavier de ton ordinateur dans les jambes. Juste pour te faire peur, ça fait pas mal. C'est un truc un peu léger. Retourner ton bureau, monter debout dessus, te mettre un gros coup de pied dans la gueule. Mais non, J'aurais pu te sauter la gorge. J'aurais pu t'enfoncer ton stylo dans le cul. J'aurais pu te dire que t'es une sale pute. Mais tout ça, c'est pas correct, c'est pas correct. Alors écoute bien ça. Bon, qui c'est qui veut du Coca-Cola ? Il est 22h30, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Le 92.2 FM, c'est à Toulouse, France. Canal Sud.net, c'est sur le net. Et donc, nous sommes dans l'émission Nuisance, N-U-I-S-A-N-C-E-S, entre parenthèses. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens. Et donc, n'oubliez pas, le motto de ce soir, c'est « Allez tous vous faire enculer, bande de gros bâtards, vous n'êtes que des merdes et vous puez du cul. Vous puez tellement du cul que vous êtes de la merde et que vous puez du cul tellement que vous puez du cul, vous êtes de la merde. » Mais de toute façon, c'est pareil pour son père. C'est exactement la même chose. Voilà, donc tous ces enculés qui aillent se faire foutre, virgule. J'ai rajouté. Nous sommes tous des gros pains. Des gros pains dans la gueule. À la super glue. À la super glue de merde. Un petit peu de virgule, verre. Point, virgule, et... point, point, point, virgule, virgule, point, virgule. Allez tous vous faire enculer. Ensuite, point d'exclamation, point. Comme tu le dis, je lui ai mis le point. De suspension. Alors dans le cul, à ce moment-là, le mec il s'est levé. Il m'a dit, tu veux la tête? Tu veux la tête? Et moi je lui ai dit, mais tête, tête. Tête, ma tête. Avec ta tête. C'est à ce moment précis qu'il a tâté. Ou tête le nœud avec ta tête de nœud. Il a vu. Il a vu quelque chose dans mon futal, ce mec-là. Il a vu quelque chose que Al avait et que lui n'avait pas. C'était quelque chose de gros et de immondice. Ah mais alors lui, on n'en parle pas. Hein. J'en parle tous les jours à chaque fois que bien je regarde. Bien sûr que non, que c'est touche. Pas possible. Je me touche, je pense à Jojo. C'est pas possible d'être comme ça. Je pense à mon gros Jojo. Et c'est beau la vie. Au moins c'est quelqu'un de loyal. Ce qui est sympa, c'est quand les gens ils prennent tes trucs, mais ils en font de la merde, prend. Et qui sont des gros bâtards avec ta merde à toi, parce que ta merde à toi c'est ta merde, et on te le prend et ça devient la merde des autres et ça chie. Mais ils la goûtent. Ils s'en régalent. Comme toi qui nous écoutes. Ça nous est bien banal. Et tu vas te faire foutre. Dans un rapport anal. Je te prends comme une petite loutre. Et ça te sera fatal. Est-ce que tu sens bien ma poutre ? Bon, c'est l'enfer ça, on arrête ça tout de suite. Ta mère qui nous écoute. Putain de bordel de merde, mais ça va finir quand ? Tu as pas pensé à ça ? Ça se trouve, elle prend son pied. Peut-être pas. Sûrement pas. J'espère que oui. En tout cas, avec moi, c'était pas pareil. Ma maman, je l'ai baisée, elle a aimé ça. Et donc comme je disais, c'est à ce moment-là précis, le mec précis, tu sais, il m'a dit précisément quoi, que va te faire foutre précisément. Et ta mère, je l'ai pas aimé, c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, précis, donc je lui ai roté à la gueule, c'est enculé, quoi, va te faire foutre. Et ça s'accélère, le rythme de mes reins, ce qui n'est que ta mère. En tripotant ses seins, elle me parle de misère, que je lui ferai demain. Je lui dis de se taire. Elle me pète le frein. Alors là, si on s'imagine qu'il n'y en a que 5, alors que finalement c'est juste une façon de voir quand on regarde le ciel, alors on s'en dit qu'il y en a 8. Mais alors finalement c'est plus possible, parce qu'alors il faut s'être débarrassé de ces corps étrangers qui gravitent dans la même orbite pour être reconnu comme existante. Mais tout ça, c'est une question de taille. Parce qu'au final, ça tourne. Ça s'arrête pas. Ou pas. Peut-être que ça s'arrête. Qui sait ? On verra bien. Ça s'arrêtera jamais ! Elle prend. Jamais, tu m'entends ? Tu m'entends ? Jamais, tu m'entends, ça s'arrêtera jamais. Mais ça s'arrête. Ça s'arrête quand... Malheureusement, j'éjacule. Et à ce moment-là, je lui dis, mais va te faire foutre, connard. Mais pourquoi tu me parles de ça, enculé, quoi ? Et merde, quoi ! Alors je suis... Plus du tout, plus fort, quoi. C'est plus moi, quoi. Là, je lui dis, mais... C'était pas bien ? Et c'est à ce moment-là que je lui dis, mais putain... Merde, quoi ! C'est pas ma faute ! C'est comme ça, c'est l'animal. Et il se lève du fauteuil, je veux dire, tu vois, et il me fout la bite dans la bouche. Bon, bah, je la suce, tu vois, par plaisir. Mais bon, c'est quand même bizarre, quoi, non ? C'est quand même bizarre. Mais juste avant que je dise qu'avant National, il y a éducation, alors là, c'était déstabilisant. Ça faisait un petit peu comme un rapport sexuel volontaire, mais à contre-cœur. Comme si elle avait voulu me pénétrer et que ça s'était pas passé. Oh putain, j'ai encore roté dans l'émission, faut qu'on recommence tout, quoi, faut qu'on recommence la prise. Bon, bah on recommence la prise. Oh non, vous me dites non. Bon, parce qu'on a tellement de choses à faire, c'est vrai que c'est pas une émission live. Non mais bien sûr que si. Maintenant, à partir de maintenant, c'est un discours qui va être un tout petit peu plus relevé. On en a un petit peu marre de tout ça, vous en avez un petit peu marre. C'est un petit peu difficile. Nous aussi, on en a marre, vous savez. Ça, de vous dire que finalement, maman... Oh putain, ça craint, quoi. Finalement, maman... Oh putain... Maman. Pensez à votre maman. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment ? Qu'est-ce qu'il y a entre ses dents ? Qu'est-ce qu'elle aime tant ? Et tu as de la chance. J'ai enregistré ta maman. C'est à ce moment-là précis que je lui dis, mais va te faire foutre enculé, quoi. Mais va te faire foutre. Tu crois que c'est parce qu'il reste que 20 minutes à l'émission que tu vas parler de faire foutre enculé, quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il a à m'appeler comme ça, t'es bâtard, t'sais. Non, mais vraiment, t'sais. Ils se croient tout permis sur la radio de merde. Qu'ils aillent se faire enculer, ces bâtards de merde. Qui puent la merde. De merde qui pue de cul qui pue et ça vient pas, ça vient jamais, ça vient jamais, ça vient jamais. Ça ne vient jamais. Vous entendez l'ambiance des studios de Canal Sud, c'est une ambiance pleine de rien et si vide de tout. C'est pour ça qu'on essaie d'occuper l'espace avec du son, quel qu'il soit, qu'il nuise ou pas. Bon, ainsi le didacticiel est fait, quoi. Ça c'est fait. Donc c'est en si bémol que nous attaquons cette reprise sur un bruit de... Un bruit de vide encore. Encore un bruit de vide. On vous fait écouter du vide pour combler le vide. Plein, plein de merde. Nous sommes plein de merde car nous mangeons et chions chaque jour. Mes frères et sœurs, venez dans mes bras. Vous êtes mes amours. Je vous aime tant que je veux vous enculer. Enculer et éjaculer dans vos culs, plein de foutre. Ainsi vous serez heureux d'avoir mon foutre, de recevoir mon foutre dans votre cul. Vous êtes vraiment mes bébés, mes enfants à moi que j'encule tous les jours, plein de foutre. Vous êtes des sacs à foutre, des sacs à merde. Je vous aime tant, vous êtes vraiment mes brebis égarées. Malheureusement, allez vous faire enculer. Ce fantasme est improductif. Faire des enfants par l'anus n'est pas possible. Entendez-le bien. J'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup essayé avec ta maman. Donc, après avoir dit cela, je prends un gamin, je l'encule à sec. Et donc, je peux prendre un gamin par l'anus. Ça, c'est chaud. Ça. C'est chaud, c'est difficile. Prends un gamin par l'anus. Prends un gamin par l'anus. Et l'emmener à Brutus pour qu'il comprenne la confiance en soi. Allons se faire enculer ensemble. Parce que tout simplement, c'est ça, tu vois. C'est ça ton problème. T'entends? Tu sais pas si, mais enfin, pourquoi pas? Mais sinon, pourquoi est-ce que c'est possible? Mais non, pas à ce point-là, on n'a pas pu te rater. Mais si, c'est bien un fait. C'est comme ça, tu dois l'accepter. Ainsi, tu dois te cacher. Alors, tu dois... stratégiser. Stratégiser. Alors tu vas dans la nationale. Espèce de petit polisson. Mais qu'a-t-on fait de ton éducation ? Alors c'est comme ça. T'as l'habitude de toute façon. Ça fonctionne comme ça dans ton établissement. T'as 13 ans, il te persécute. Des heures de colle à plus en finir, bien sûr. Mais tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule parce que on t'a demandé de fermer ta gueule. Et puis si tu fermes pas ta gueule, de toute façon, tu vas y aller. On va te passer le relais. Le relais. Le relais dans une classe. Une classe un peu spéciale, hein. Mais tu ne fonctionnes pas, alors on sait pas quoi faire. On pourrait faire de toi... un missionnaire, peut-être. On pourrait te prendre en missionnaire, petit, hein. Viens, petit, viens te réadapter avec nous. Viens, rejoins-nous dans la réadaptation. Tu seras inséré, tu auras un boulot, tu seras une ascension sociale à toi tout seul. Allez, viens, petit, viens te prendre une bite dans le cul, hein. T'aimes ça, les bites dans le cul, enculé. Ou alors comme ça, comme on se dit spécialisé, on te dit devant tout le monde que tu n'es qu'un minable. Et puis là, tu tergiverses. Tu pues la merde. C'est comme ça qu'on dit. Tu pues la merde, tu n'es qu'une enculée de merde, une sale merde. C'est ça la spécialisation. Être spécialisé. Spécialisé dans un type... de merde. De merde. C'est ça. Alors moi, je peux pas, moi. Moi, je peux pas... je peux pas faire ça. Comment tu vas faire? Comment tu peux faire? Eh ben c'est ce qu'on te dit. C'est dans ton cul. Depuis début. Alors tu bois de la bière, 15e anniversaire. Et tu penses à ta mère encore et encore. À ne savoir qu'en faire. C'est l'enfer. Alors c'est à ce moment-là que je lui dis, mais va chier connard. Mais ferme va ta chier. Gueule, c'est la dernière, la dernière, la dernière. Un petit coup de revolver et hop. Si tu sais pas le dire avec des fleurs, alors... faut le dire avec des flingues. Ça, c'est quand même phénoménal. Bon, je vais pisser. À ce moment-là, je lui dis, enculé, ta gueule. Alors elle tend une perche comme ça pour te dire que finalement elle va pas te prendre ton salaire quoi. Et c'est à ce moment-là précis que je lui dis mais putain. Alors elle s'est reconnue, elle s'est dit mais alors mais monsieur, vous n'êtes pas loyal. Cela ne se fait pas. Donc c'est à ce moment-là précis que je lui ai pissé à la gueule. Que je suis monté sur son bureau, que j'ai sorti mes Rangers. Et là, j'ai eu un gros coup dans la bouche. Ça s'est mis à pisser le sang, ses dents sont tombées. Elle a tombé la tête aussi sur le bureau. Et là, d'un seul coup de talon, j'ai écrasé sa cervelle. Alors là, il y a du sang partout qui a dégouliné le long de sa chaise. Alors, vu que j'avais soif... Tu l'as bu. T'as bu son sang. Quelle horreur! Ah... C'est horrible ce que t'as fait, boire le sang de quelqu'un de mort. Horrible. Elle était pas encore morte. Elle... Ah, ça me rassure. Elle gémissait comme sa mère. Oui, François. Sa mère l'enculait. Alors après, c'était compliqué parce qu'il fallait sortir. Et il fallait respirer un coup, j'imagine. Après avoir fait ça, il fallait respirer un coup. Parce que le sang, ça a pas d'odeur. Comme l'argent, quoi. Ça, c'est pas vrai, hein, parce que quand tu sens un billet de 20 euros, eh ben, ça sent la merde, hein. C'est vrai. Oh. Alors, on est toujours en si bémol sur le vide présenté dans le vide. Ah, putain, je me vide. Voilà la place de la musique. La simplicité. Encore du vide, dans du vide. C'est comme ça qu'on fait pour appeler le valet. On l'appelle, on tape dans les mains comme ça. Alors là, il se déplace avec sa petite table qu'il traîne. Tout dans la salle. Dans la salle de quoi ? Où trouve-t-on des valets ? Des valets de cœur, des valets de pique, des valets de trèfle, des valets de carreau. Qu'on laisse sur le carreau. Qui traînent leur table. Et qui réagissent au claquement des mains pour servir à boire. Dans ces milieux un peu fermés de gens qui se sont perdus. Émancipation, qu'elle me disait, et moi je lui dis, mais putain, mais comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Alors on fait appel au symbolisme. Alors là, la patte de lapin sous la table. Ça, c'est phénoménal. La patte. Il nous reste à peu près 7 minutes pour vous dire quelque chose de réel. De bon. Alors il y en a un qui aimait bien que je lui dise Stavski Bolchenet. Et c'est à ce moment-là que je lui dis mais putain quoi, putain. Et il a rien compris. Mais il a craché. Hein. Il a craché, il a bien donné. Hein. Et donc à ce moment-là, quand je lui ai dit putain, mais putain, il a rien compris, il m'a dit mais putain. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a pas entendu parce que 14% justement de son gain, ça faisait vraiment un compte rond. Alors il s'est dit, pourquoi aller plus loin? Tu vois ce que je veux dire? Parce que de toute façon, lui, c'est une petite pute. Il est là juste pour les ronds. Et donc moi, je lui ai dit, les petites putes, toi, que t'es là pour les ronds et merde et tout, et ben va chier, tu sais. Il me dit, mais ouais, putain, c'est ce que je vais faire. Finalement, ça, c'est un petit peu un héritage historique dans la profession, parce que finalement, être considéré un peu comme une pute, c'est pas acceptable, quoi, pour quelque chose qui n'est pas finalement corporel. On s'attend à une réaction beaucoup plus aimable de la part du client, qui justement, lui, est obligé finalement de remercier parce que sinon il est mal vu. Alors on lui fait remarquer que si jamais il ne le fait pas, alors on lui tousse à la gueule, on va jouer avec ses boules un tout petit peu plus vite. Ça va tourner beaucoup plus vite en tout cas. Il n'aura pas le temps. Alors il dira 98% de redistribution. C'est possible, alors avec la force de mon cerveau, je peux arriver à presque la perfection. La perfection de la redistribution, bien sûr. La redistribution, un fondement, quoi. Un fondement. C'est ça le jeu d'argent. C'est comme ça. Vous avez donc écouté l'émission Nuisance avec deux potes qui peuvent se citer ou non, s'ils le souhaitent. Ensuite, ces deux potes étant deux potes, je ne vais pas les insulter, je vous insulte vous, auditeurs, auditrices, dans cette émission de Nuisance, tout le long de cette émission donc de Nuisance. Vous avez été insultés de toutes parts, dans votre inhumanité et dans votre bien-être. Donc votre bienséance est tout aussi putride que votre insatisfaction. On vous autorise à vomir. Vous êtes vraiment des enculés. Ainsi, comme dans l'émission Nuisance qui pue du cul, vous avez le droit d'être sourd, pour une fois seulement. Mais pas deux, parce que deux, eh ben, c'est trop. Voilà. Que dire de plus, à part que l'émission de la semaine prochaine est toute calculée, pour que vous êtes pénible, c'est suffisant. Ainsi, le non-sens, toujours prime à bord d'eux, voudrait que l'on puisse expliquer quelque chose. Malheureusement, inconséquence de l'incohérence, toujours inhumanité, donc inémancipation et toujours prison, donc de la servitude volontaire, l'esclavage moderne, le travail. Je vous souhaite donc un bon week-end. Bon week-end. Et donc, crevez bien. En paix, prout, et allez vous faire tous enculer par votre président de la République, par exemple. Et toujours au Nino Mille qui niquera toujours ta mère. Voilà, donc parlons-en de nos mères. Et donc vos mères aussi, vos mères. Et donc sa mère à lui, et sa mère à elle, et leur mère. Allons tous nous faire enculer en beauté. Parce qu'un bon Nino Mille remplacera toujours un mauvais Exomille. Sur ces mots, nous vous laissons en paix, prout, à l'écoute de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous finissons un peu en avance parce que nous sommes une aventure humaine, l'aventure humaine de l'inconséquence. Parce qu'on t'encule. Voilà, on t'encule. Mais souviens-toi-en bien, auditeur, auditrice, si tu veux du plaisir anal, c'est ici qu'il faut venir le chercher, Nuisance, le vendredi de 21h à 23h, sur les ondes du 92.2 FM toulousain français. Ou le canal sud.net français, pas toulousain, pas français, internationalement reconnu comme de la merde. Allez tous vous faire enculer, chiottes, un dernier mot. Pas trop de bites dans le cul. Masochisme auditif, s'il vous plaît. Ni sadisme dans N'attendez le cul. N'attendez pas trop quand même. Cul. N'enregistrez pas l'émission, s'il vous plaît. C'est fait. Non.